Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet-Dupré 1862. Question 67. De l'injustice dans les juges. Que le juge ne peut condamner avec justice l'accusé qui ne lui est pas soumis. Peut-il juger contrairement à la vérité qu'il connaît, en se fondant sur les preuves juridiques? Nécessité d'un accusateur. Le juge ne peut pas remettre la peine. 1. Un juge peut-il légitimement juger quelqu'un qui ne lui est pas soumis? La sentence d'un juge est en quelque sorte une loi appliquée à un fait particulier. Elle doit avoir, comme les lois générales elles-mêmes, la force coactive, afin de se faire respecter de l'une et l'autre partie. Autrement le jugement qu'elle prononce serait sans efficacité. Or, dans les choses humaines, celui-là seul possède légitimement la force coactive qui est investie de l'autorité publique, et, dans ce cas, il est regardé comme supérieur à l'égard de tous les hommes soumis à sa juridiction, soit qu'il tienne son pouvoir à titre ordinaire, soit qu'il l'ait par délégation. Il suit de ces principes que personne ne peut légitimement juger quelqu'un qui ne lui est pas soumis. 2. Est-il permis à un juge de porter une sentence contraire à la vérité qu'il connaît, en se fondant sur les preuves juridiques? Un bon juge, a dit saint Ambroise, décide d'après la loi et les principes du droit, il ne fait rien par son opinion propre. N'ayant le droit de juger que comme exerçant un pouvoir public, le juge doit établir les informations d'un jugement sur ce qu'il apprend dans l'exercice de sa charge, et non sur ce qu'il sait en tant que personne privée. Deux sources sont à sa disposition, l'une commune et l'autre particulière. La source commune, ce sont les lois publiques, divines ou humaines, contre lesquelles aucune preuve n'est admissible. La source particulière se compose des pièces du procès, des dépositions des témoins et des autres moyens capables de conduire à la connaissance de la vérité. Voilà ce qui doit le guider dans son jugement, beaucoup plus que ce qu'il connaît comme individu. Il peut sans doute s'aider de ce qu'il sait pour discuter avec plus de soin les preuves alléguées et en faire ressortir le défaut, mais il est obligé, s'il ne peut pas les repousser en droit, d'y conformer son jugement. Note. Que dans les affaires qui le concernent lui seul, il forme sa conscience d'après ce qu'il sait, cela doit être, mais quand il exerce un pouvoir public, il est obligé de la former juridiquement. On suppose ici que les lois sont justes. Saint Thomas a dit ailleurs qu'une loi injuste est une dérogation à la loi, et non une loi. Fin de la note. 3. Un juge peut-il condamner sans accusateur? Un juge ne peut condamner personne pour crime, s'il n'y a un accusateur. Les Romains eux-mêmes reconnaissaient ce principe, comme on peut s'en convaincre par ce passage des Actes des Apôtres, ce n'est point la coutume des Romains de condamner un homme avant que l'accusé ait devant lui ses accusateurs, et qu'on lui ait donné la liberté de se défendre pour se justifier des crimes qu'on lui impute. Actes des Apôtres 25, 16. Note. Le bruit public et l'évidence du crime peuvent quelquefois tenir lieu d'accusateur, mais le juge, eût-il été témoin du fait, serait encore obligé, avant de condamner le coupable, de procéder à un jugement public qui tienne lieu d'accusation. Fin de la note. 4. Le juge peut-il licitement remettre la peine? Placé entre un accusateur et un accusé, le juge doit prononcer au nom de l'autorité publique dont il est investi, double raison qui lui défend d'absoudre à son gré un accusé de sa peine. L'accusateur est parfois fondé à exiger que l'accusé soit puni pour l'injure qu'il en a reçue, et, dans ce cas, le juge, qui doit rendre à chacun son droit, n'a pas la liberté de pardonner. D'un autre côté, le bien de la société, au nom de laquelle tout juge exerce ses fonctions, exige que les malfaiteurs soient punis. Aucun juge ne peut donc licitement remettre la peine à un coupable. De là cette parole au sujet de l'homicide, « Il mourra, et vous n'aurez point compassion de son sort. » Deutéronome 19, 12 et 13. Mais le souverain, qui réunit la plénitude du pouvoir social, a sans aucun doute le droit de faire grâce à un condamné, lorsque la partie offensée y consent et que le bien public n'en souffre pas. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.